1, c'est pour toutes celles qui ont perdu leur âme. Ok. Elle avait tout pour elle, cette jolie gamine. Sa beauté était telle qu'elle te contamine. Fruit d'un amour incertain, elle était la fierté de la mif. Mais pourtant tout ce qui va suivre m'aurait poussé au crime. Les fêtes, société, ont tout baisé. Son père est tombé dans l'alcool, sa mère s'est droguée. Elle était perdue mais personne le savait. Les apparences sont souvent trompeuses, en vrai tout le monde s'en moquait. L'enfance est censée être un passage idéal, car normalement ta vision ne décèle pas le mal. On dit que les aveugles sont heureux d'être loin de nous, mais que faire du haut des 5 piges pour qu'on s'intéresse à nous. Les visites nocturnes de son géniteur ont fini de l'achever, surtout quand ta mère fait tout pour étouffer. L'affaire qui lui laissera jamais ce goût amer. Ce père, non, cette ordure qu'aurait mérité qu'on l'enterre. Je te parle de ces mioches qu'ils obligent à grandir trop vite, meurtris dans leur chair, qui voient l'amour comme une utopie. La pauvre devra vivre avec son secret. Faut quelqu'un paie pour qu'elle retrouve la paix. Elle avait tout pour elle. Et la vie lui a enlevé. Apprendre à planquer sa peine dans le rimel. C'est tout ce qu'on lui a donné. Pourtant elle avait tout pour elle. Qu'elle finit par disjoncter. Elle pense à Florence Ray, au comptoir du phallus. Tanner le carton, y'a pas de malus. L'adolescence fut aussi complexe que son enfance. Elle en a poussé des cris que personne n'entend. Ça va vu que l'eau de fumier s'est rosée, ne pouvait plus la toucher. Elle en a gros sur le cœur, surtout quand l'autoxicome y bat une petite sœur. Pour elle, une vie de labeur s'annonçait. Une vie où le bonheur s'acquiert que dans le malheur. Ses rapports avec les autres humains étaient tronqués, mais jusqu'au bout elle continuera d'aimer ce barman dans le troquet. J'appellerais ça l'amour trash. Maintenant faut qu'elle trouve son bachelor, car lui faut du cash. À 18 piges, j'ai rencontré Kevin, un gros dur. Je crois qu'elle aimait autant que sa belle voiture. Elle était digne dans sa tête, vide dans son cœur, une hymne à la bête. Je t'avouerai que moi-même je la reconnaissais plus. Sa méchanceté était telle qu'on aurait dit d'elle que le monde est cruel, un démon derrière son rimel. Elle avait tout pour elle. Et la vie lui a enlevé. Apprendre à planquer sa peine dans le rimel. C'est tout ce qu'on lui a donné. Pourtant elle avait tout pour elle. Qu'elle finit par disjoncter. Elle pense à Florence Ray, au comptoir du phallus. Tanner le carton, y'a pas de malus. Ok, 30 piges, marche faire troncher à chaque coin de rue. Le pactole est en poche, juste en perdant sa vertu. Pourtant elle sait qu'il faut qu'elle perdure. Alors elle retourne à la chasse aux pigeons. Cette fois ce sera ce négro qui sort de prison. Un acharné qui en moins de 2 mois s'est refait. Son regard ne trompe pas, il est dosé. Pour elle, rien de plus simple que de tirer un lapin. Une petite jupe, un sourire coquin, il nettoiera son jardin. Elle le victimise sans savoir si il l'aime. Rien qu'elle l'utilise et c'est ça le problème. Pour elle, il a mis sa vie de côté. Tous ses dièses, ses poteaux, juste pour aller fricoter. Mais il était gentil ce petit con. Il a réussi à l'émouvoir ce petit con. Pour garder, lui offrir un bébé. Une jolie petite fille, quelle ironie. En elle, elle découvrit sentiments qu'elle croyait utopiques. Mais comme tout bon dominant, elle voulait encore plaire. En plus, l'autre négro l'aimait trop, c'est ce qui l'énerve. Ce matin-là, elle voyait son gosse humain. L'autre bouffon est parti taffer, alors y'a pas de mal à se faire du bien. Soudainement, la porte s'ouvrit. Elle avait tout pour elle. Et la vie lui a enlevé. Apprendre à planquer sa peine dans le rimel. C'est tout ce qu'on lui a donné. Pourtant elle avait tout pour elle. Qu'elle finit par disjoncter. Elle pense à Florence Ray, au comptoir du phallus. Tanner le carton, y'a pas de malus. C'est pour moi Grégor. Même si tu crois pas, moi je sais qu'il est avec toi. 93 hardcore, 93 anti-dep, 93 anti-deck, 93 alors fais belé. Wow.